Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier épisode de Radio Langzo. Nous sommes très heureux d'inaugurer ce premier numéro avec vous, chers auditeurs, mais aussi en présence de notre premier invité, Monsieur Dominique Sanson de Normand de Chambourg. Monsieur Dominique Sanson, bienvenue. Merci, bonjour à vous. Pour ce premier numéro, nous allons vous guider, chers auditeurs, dans ce qu'est Radio Langzo, la première web radio de l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Et pour vous guider, nous, les présentateurs, Clément et Najwa. Nous allons tout d'abord vous parler un peu de l'actualité de l'Institut. Un quart d'heure afin de vous tenir au courant de ce qui va se passer durant le mois de novembre. Donc sortez vos agendas. Puis nous reviendrons vers vous, Monsieur Sanson, pour une interview poussée sur qui vous êtes et ce que vous faites. Enfin, si vous désirez réagir sur l'émission, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous contacter par mail. C'est tout simple, radiolangzo@gmail.com, tout attaché en minuscules, comme on dit. Donc si nous pouvons répondre à vos questions par mail, nous le ferons. Et si nous avons des remarques intéressantes, nous les lirons à la prochaine émission. C'est bon, vous avez eu le temps de prendre vos agendas. Alors voici l'actualité de l'INALCO, tous les événements à ne pas manquer ce mois-ci. Tout d'abord, la campagne de mobilité à l'étranger pour les masters a été lancée. Si vous êtes en master et que vous avez le projet de faire des recherches sur le terrain, c'est l'occasion. Vous pouvez déposer vos dossiers dès maintenant afin d'être aidé dans vos recherches. Pour retirer et déposer le dossier, c'est en bureau 337 que ça se passe. Vous avez jusqu'au 23 novembre, alors ne tardez pas. Le 12 novembre, l'INALCO accueille le Forum du cinéma chinois. Le cinéma chinois fête ses 110 ans et pour l'occasion, plus d'une dizaine d'intervenants sont invités. Ça se passe le 12 novembre et notez bien de 13h à 17h30 dans l'auditorium et de 18h à 20h30 en amphithéâtre 6. Le 20 et 21 novembre, l'INALCO organise des journées CETO. Langue, histoire et culture d'une minorité en renouveau. Ces deux journées entrées libres se tiendront dans l'auditorium de 9h à 21h. Chaque fin de journée finit à 19h par la projection d'un film ou d'un documentaire sous-titré en français, suivi par un débat en présence de la scénariste ou du réalisateur. Le programme très dense s'accompagne d'une exposition dans la galerie qui mène à l'auditorium appelée « C'est Thomas, un royaume sur le fil », qui sera là du 20 novembre au 11 décembre. On peut peut-être préciser d'ailleurs que les CETO, c'est en Estonie. Oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est une tribu qui se trouve entre l'Estonie et la Russie. Ouais. Et justement, ce peuple est divisé entre deux nations. Ouais, c'est compliqué. Donc c'est extrêmement compliqué, en effet. Il y aura la vice-reine du royaume Setoma qui sera là durant les conférences. Et enfin, le cycle migration commence fin novembre à l'INALCO avec une première séance d'ouverture. Cette première journée s'intitule « Acteurs du droit d'asile, regard sur les réfugiés tibétains » le 30 novembre à partir de 18h30 dans l'auditorium. Vous pouvez retrouver toutes ces informations liées à ces événements dans la description de cet épisode sur notre blog Tumblr, donc radiolangzo.tumblr.com, ou tout simplement sur le site de l'INALCO, www.inalco.fr. Et maintenant que les actualités sont faites, nous allons passer à notre interview avec Monsieur Sanson. Mais d'abord, un petit intermède musical, Tiana Lar, Mabeta, qui veut dire le gaillard, en nénètse de la toundra, au tambour. Zaroče, zaroče, sianakovai, njahar, njahar, ne na čingau, zarovo, zarovo, jezu jingovo, jingu nivai, hečeje, hečeje, my vezei, my vezei, my irvai, irvai, my vezei, my vezei, sialni, sialni, ngilano, ngilano, sėdžiavo, sėdžiavo, minurujei, minurujei, minurči, minurči, virangadai, virangadai, Hetje, hetje, my vezei, mi irvai, irvai, my vezei, tjuku, tjuku, nimi, nivai, nivai, ngarcusei, nguli nivai, nimi, nimi, darangovo, darangovo, nenači, nenači, nezavasei, nezavasei, hetje, hetje, my vezei, Merci beaucoup. Magnifique morceau que vous nous avez fourni, Monsieur Sanson. Tatiana Lark est nénette donc de la toundra, comme vous l'avez dit, qui habite à Salehard et qui est quelqu'un qui porte encore sa culture de manière vivante, je veux dire, même si elle fait partie en partie de l'intelligentsia, mais elle vit encore en partie dans la toundra tout en habitant en ville. Elle se partage entre les deux milieux et elle parle sa langue et donc elle recueille des chants, des légendes, etc. auprès des siens. Donc c'est quelqu'un d'intéressant. Ok, très bien. On va avoir l'occasion d'écouter d'autres morceaux que vous nous avez fournis au cours de cette interview pour un peu justement la rythmer. Alors on va commencer par parler de vous, Monsieur Sanson, et non pas de vos recherches, ce qui est quelque chose qui est assez rare pour avoir assisté à certains de vos cours. Vous parlez énormément de vos recherches, on sent que vous êtes passionné, mais finalement de vous, on ne connaît pas grand-chose, si ce n'est, j'ai envie de dire, votre origine. Oui. Que vous revendiquez. Alors, dites-nous, Monsieur Sanson, de quelle origine êtes-vous ? Ben, je suis breton, mais je ne sais pas si je revendique, mais je crois que c'est quelque chose pour moi, là aussi, de vivant, et ça a du sens. Et donc, à partir de ce moment-là, il est évident que ça a des conséquences sur ma façon de voir le monde et sur ma façon d'être. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler, et que le fait de m'intéresser à ce à quoi je m'intéresse n'est sans doute pas innocent non plus par rapport à mes origines. Donc, vous pensez qu'il y a des liens, finalement, entre votre culture bretonne et les cultures des peuples que vous étudiez ? Mais oui, il y a des signes toujours un peu étonnants, parce que comme je le dis en cours, lors de mes premiers terrains, par exemple, je me suis aperçu que j'étais à un endroit qui, dans la langue nénette, voulait dire le bout du monde. Et moi-même, je viens du Finistère, c'est-à-dire le bout du monde, que ce soit le début ou la fin. Et dans la toundra, quelques temps après, je suis tombé aussi sur une espèce de cajot, donc quelque chose de très très improbable, un prince de Bretagne au fin fond de la toundra d'Yamal. Donc j'ai eu un instant quelques sueurs froides, et puis je me suis dit, heureusement que j'assume finalement ma condition, parce que sinon je suis un peu poursuivi de toute façon où que j'aille. Mais effectivement, bon, je pense que les rapports avec l'oralité, le rapport avec un voisin ou un autre monde qui vous donne un modèle de vie qui n'est pas forcément conforme avec vous, la façon dont vous percevez les choses, etc. Je crois qu'évidemment, c'est pas innocent. Alors, en fait, ce n'est pas un choix, je m'en suis aperçu plus tard. Mais finalement, en réfléchissant et en me disant, mais pourquoi t'es-tu intéressé à ces peuples, je crois que la solution m'est apparue, et ce n'est peut-être qu'une partie de la solution, mais enfin, en tout cas, c'est un début de réponse. On va voir comment vous êtes arrivé là. Il y a eu un parcours, il y a eu des études à l'INALCO. Quelles études, pourquoi et en quoi ? Et surtout, vous considérez-vous comme un vrai produit INALCO ? Je pense que je suis un vrai produit INALCO, puisque j'ai fait toute ma scolarité vers mes études supérieures à l'INALCO. Donc, j'ai commencé par faire du russe et du japonais, parce qu'au départ, je voulais travailler dans une compagnie de thé. Et ce sont deux pays qui, évidemment, bon, on le comprend bien, ont un rapport proche avec le thé. Et puis, finalement, j'ai un peu laissé tomber le japonais, parce que ça devenait trop compliqué pour moi de suivre la journée les cours à Clichy de russe, et le soir à Dauphine les cours de japonais, qui devaient se terminer vers 22 heures, quelque chose comme ça. Et donc je me suis concentré sur le russe, et puis à partir du moment où je me suis intéressé à la Sibérie, là véritablement je me suis orienté vraiment sur l'espace russe, disons. Donc à partir du moment où, bien sûr, j'ai fréquenté d'autres établissements comme l'école pratique des hautes études, le HESS, j'ai suivi des séminaires avec Robert Tamayon ou Jean-Luc Lambert par exemple, mais il est évident que ma maison c'est l'INALCO. C'est pas de la propagande, je le dis vraiment parce que je le pense. Non, mais on est sur la web radio de l'INALCO, donc c'est très bien. Mais vous avez le droit. Alors j'ai le droit, bon, merci. Est-ce que ça vous a été utile? Vous avez fait un an et demi de japonais, c'est Oui, c'est ça. Ouais. Ça vous a été utile plus tard dans vos études, ou est-ce que... C'est sur le terrain, et j'ai rencontré parfois des japonais, donc éventuellement ça m'a permis de communiquer avec quelques chercheurs japonais. Mais sinon, ce qui concerne purement mes études ou mes recherches, je ne peux pas dire pour l'instant, puisque en fait, moi je travaille avec les peuples qui sont juste derrière l'Oural, donc en Sibérie occidentale. Et là, ce ne sont pas des peuples liés au monde chinois ou au monde japonais. Bon, si je m'étais intéressé au Nifre, par exemple, au Nanaï et autres, donc vraiment en Extrême-Orient, là, je pense que les liens avec le Japon ou avec la Chine auraient eu du sens, parce que j'ai fait un peu de chinois aussi. Mais bon. non, là où je travaille, en fait, ça se passe essentiellement dans les langues autochtones ou en russe. Mais je suis content d'avoir fait quand même du japonais, parce que je pense que, enfin là aussi par une culture qui pour moi est double, je pense que le fait d'avoir entendu deux langues dès l'enfance, ça ouvre l'esprit quelque part, et je pense qu'un être est plus riche quand il a deux langues que quand il en a une seule. Même si après on n'en fait rien, mais ça c'est autre chose. Mais ça nous donne une certaine richesse, une certaine ouverture d'esprit. Oui, moi je crois. Et de voir comment effectivement fonctionnent les autres langues, quelle est la vision du monde qui se cache derrière ces langues. Et donc je pense que ça ne peut qu'apporter quelque chose. Après, il faut trouver la langue peut-être qui vous correspond ou avec qui vous sentez des affinités particulières. Oui. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il peut y avoir un déséquilibre, puisque je vois bien que moi, sur le nombre de langues que j'ai parlé, finalement, un certain nombre ont pris le pas et les autres meurent doucement. Enfin, en tout cas, je ne suis pas responsable de leur mort, parce que je me dis, il y a encore des gens qui les parlent, mais en ce qui me concerne, elles sont un petit peu moribondes. Mmh. Ouais. Alors, que vous évoque le nom de Anne-Victoire Charin? Beaucoup de choses, parce qu'en fait, c'est celle qui a créé les études sibériennes aux langues orientales à la fin des années 70. Parce qu'au départ, elle a enseigné d'abord le russe, et puis elle est allée en Sibérie, à une époque où c'était extrêmement difficile d'y aller, puisque c'était une terre fermée, notamment aux étrangers. Et puis, elle m'a attiré dans un de ses séminaires. Et finalement, je me suis pris de passion, comme vous le disiez, Clément, pour ces peuples et ce pays. Donc, c'est aussi ma directrice de thèse. Donc, finalement, c'est quelqu'un qui a décidé de mon existence d'une certaine façon, alors que ce n'était pas vraiment prévu. Donc, de l'importance des enseignants. Bon, je ne sais pas si vous-même vous avez des enseignants qui vous ont marqué ou qui vous marqueront, mais oui, hein, je pense qu'on est tous confrontés plus ou moins à ça. Alors, ça va plus ou moins loin, parce que certains, ça va peut-être faire des études et ne jamais enseigner par la suite. Ou ne jamais... Bon, moi-même, je ne savais pas que j'enseignerais aux langues un jour. Je pensais que je ferais du terrain, que je ferais des conférences, que j'écrirais des livres. Bon, ce que j'ai fait, mais pas que j'enseignerais. Et finalement, pour moi, c'est assez amusant de me dire que quelques années après le départ à la retraite d'Anne-Victoire Charin, lorsque le poste a été mis au mouvement, études sibériennes, j'ai candidaté parmi d'autres, et finalement, je lui succède sur ce poste. Donc ça, c'est aussi une émotion personnelle. Oui. Donc vous estimez qu'elle a un peu guidé vos études du Nénette, du Ranti? Totalement, totalement. Enfin, le choix de ces peuples-là, il m'est propre parce que, en fait, dans un séminaire, dans l'un des premiers séminaires, lorsqu'il a fallu faire ce qu'on appelait à l'époque la maîtrise, donc le M1 et les 2A, le M2, il fallait choisir des textes littéraires. Et moi, les textes littéraires qui m'ont plu sont justement des textes d'écrivains de Sibérie occidentale, les Nenets, les Krantiel et Mansi, juste derrière l'Oural, en Sibérie arctique et subarctique. Donc, elle a une vision beaucoup plus large, puisqu'elle connaît toute la Sibérie. Moi, je connais essentiellement la Sibérie occidentale, un peu l'Extrême-Orient, donc vers le Pacifique, parce que je suis chez les Koryaks et les Évennes. Et là, je vais bientôt connaître la Sibérie orientale, puisque je suis invité à un festival de folklore fin novembre. Et donc, je vais connaître cette Sibérie orientale que je ne connais pas encore. Enfin, hein, ce petit bout, puisque c'est le Taïmyr, qui est une zone qui n'est pas facile d'accès. D'accord. Donc finalement, est-ce que le choix des Nenets, des Ranci et des Mansi, qui sont les peuples les plus occidentaux de Voilà, Sibérie, ils sont juste derrière l'Oural, donc ce sont eux qui en général se prennent tout avec le plus de force, c'est-à-dire tout et son contraire, les campagnes d'évangélisation au 18e ou au 19e, et puis les campagnes d'athéisme militant quelques décennies plus tard. Donc c'est un choix qui s'est fait, j'ai envie de dire... quasiment par hasard, parce que vous êtes tombé sur des textes. Je ne crois pas au hasard, Clément. Mais non, c'est qu'il y avait des recueils. Il y avait des recueils de différents peuples. Et effectivement, il se trouve que ceux qui m'ont le plus touché, c'était une écrivaine Nenets, Sana Nerkagi, un écrivain Kranti, Eremaya Epin. Et leurs textes m'ont beaucoup touché. Et je me suis dit que là, il y avait, je ne sais pas, une parenté ou quelque chose à creuser. Et donc, c'est pour ça que je me suis orienté plutôt vers ces peuples. Et je pense que quelque part, je n'ai pas eu tort, puisque j'ai eu un certain nombre de phrases sur le terrain de la part de gens qui m'ont fait comprendre que finalement j'étais manifestement très proche d'eux et de leur façon de voir les choses. Donc on peut supposer que je ne me suis pas trompé à ce niveau-là. Okay. Dans quel contexte vous avez effectué votre premier voyage en Sibérie? Parce que ça devait être quelque chose de fort. Oui, la première fois c'était en 1996, dans la toundra de Baïdarata, la péninsule de Yamal. Et c'était dans le cadre d'un diplôme, enfin de la rédaction d'un diplôme. Il fallait, enfin j'avais envie en tout cas, pour moi c'est une obligation de rencontrer l'écrivain dont j'allais parler et dont je parlais dans mon mémoire. Parce qu'évidemment, la chance que j'ai peut-être par rapport à d'autres, c'est évidemment de pouvoir parler à ces écrivains, en fait, ils sont en vie. Et ça, c'est évidemment précieux. Donc on peut leur poser des questions, on peut comprendre leur œuvre de manière différente, on peut les voir dans leur contexte, on peut les voir par rapport à leur société, on peut les voir par rapport au monde russe. Enfin, ça permet vraiment de contextualiser les choses, de mettre en lumière et en perspective la recherche de l'étudiant, enfin, que j'étais alors. Et je suis parti à Yamal après avoir contacté cet écrivain par un truchement, puisqu'elle-même n'avait pas internet. Et donc c'est comme ça que j'ai passé un hiver dans la toundra de Baïdarata, à vivre chez Anna Nerkagi, cet écrivain nénette, qui était quelqu'un d'assez, en même temps très nénette, c'est en même temps sans doute pas exemplaire, au sens où c'était la première femme divorcée de Yamal. Elle avait créé un comptoir pour que les autochtones n'aillent pas en ville où ils risquaient de s'abîmer à cause de différents dangers sur la civilisation, Et elle essayait, elle en même temps, de les maintenir dans la toundra en justement faisant venir de ville des produits manufacturés, des produits industriels. Et elle prenait en échange dans son comptoir les baies, les poissons, les morceaux de rennes ou d'autres animaux. Et puis elle en faisait commerce et ça permettait finalement de maintenir une toundra vivante alors qu'il y avait l'industrie du gaz et du pétrole qui était très très proche de là où était son campement traditionnel. Donc c'est dans l'Oural polaire, en fait. Et voilà, ce premier contact a été effectivement, comme vous le disiez, assez fort, puisque le chercheur, il a toujours, enfin, et surtout quand il est jeune, un jeune étudiant, il y a toujours l'idée qu'on se fait même malgré soi, parce que bon, je ne suis pas quelqu'un qui se projette énormément, donc je n'avais pas une idée préconçue, mais j'avais forcément quelques idées par rapport à ce que j'avais lu par rapport aux nénettes. Et le fait de se rendre sur place, ça peut être ou une grande désillusion, ou une histoire d'amour, ou peut-être même rien, enfin une indifférence à peu près relative. Et dans mon cas, ça a confirmé que ma présence avait du sens là-bas, et qu'il y avait quelque chose à faire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. C'est une très bonne réponse. Est-ce que c'était lors de ce premier voyage que vous faisiez votre thèse avec Anne-Victoire Charles? Non, ça c'était bien avant, c'était le mémoire de maîtrise. D'accord. La thèse, ça a été plus tard, et là, la thèse, elle regroupe. Enfin, je sais pas. Oui, allez-y. Et la thèse, elle regroupe en fait les trois peuples avec lesquels je travaille, puisque je travaille avec les Nénettes, les Khanti et les Mansi, qui sont des peuples voisins, qui forment un groupe cohérent, parce qu'ils appartiennent à la même famille linguistique, enfin la méga famille linguistique, ouralienne en l'occurrence, mais ils ont des modes de vie très différents, puisque les Nénettes sont entièrement nomades, alors que les Mansi et les Khanti sont semi-nomades, sont plus en contact avec le monde russe, sans doute. Cette thèse, c'était pour moi essayer de comprendre pourquoi ces peuples qui sont en contact avec le monde russe depuis très longtemps, les chroniques médiévales attestent de contact au moins au 10e, 11e siècle, mais on pense qu'il y a avant déjà des contacts, notamment avec les marchands de Pskov et de Novgorod, qui venaient chercher des fourrures. Enfin, quand j'ai cherché, le mot n'est pas exact. Et donc cette thèse, pour moi, c'était vraiment essayer de comprendre pourquoi ces gens qui sont donc en contact avec le monde russe depuis si longtemps, qui n'ont aucun levier de pouvoir, qui n'ont ni économique, ni numérique et autres, pourquoi ne sont-ils toujours pas russes aujourd'hui, alors qu'il y a eu la russification sous l'Empire, la soviétisation à l'époque soviétique. Et ils sont toujours là, alors mutilés en partie, je voulais vraiment comprendre comment finalement c'était possible dans un tel contexte, en étant si peu nombreux, disséminés comme ça dans des espaces arctiques, comment c'était possible de résister à ce rouleau compresseur finalement qui a été la soviétisation, puisque sous l'Empire les choses ont été un petit peu plus faciles sans doute à gérer pour ces communautés, du moment qu'on payait l'impôt et que le chaman n'approchait pas trop des villes. Finalement, il n'y avait pas de problème majeur. Donc la thèse, c'était sur la direction du Charin, c'est vrai que ça a été une expérience, comme pour beaucoup, j'imagine, longue et forte, parce qu'il y a des moments, évidemment, on se demande si on sait encore quelque chose sur le sujet. Il y a des moments où on n'a pas envie de mettre le point final parce qu'on se dit j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. En plus, moi, j'avais la chance, peut-être par rapport à d'autres, d'avoir fait pas mal de terrain. Donc, c'est vrai que ça fait des matériaux extrêmement riches aussi, et que pour moi, c'était important, même si c'est un travail universitaire, donc c'est un exercice de style, mais c'était important pour moi, puisque finalement, je ne racontais pas une histoire officielle, mais on m'avait confié des choses, des récits de vie, des expériences, et que c'était à moi d'en faire quelque chose, finalement, même si c'était dans un cadre universitaire, mais que c'était à moi d'en faire quelque chose. Des histoires qui, d'habitude, sont tues par peur ou par... Bon, mais là, finalement, moi-même n'étant ni russe ni autochtone, j'avais un rôle finalement très, enfin, assez important, me semble-t-il. Enfin, ils me le disent d'ailleurs, donc ça, il me semble pas seulement. Donc même durant votre thèse, il y avait des, disons, des moments de désillusion où vous aviez l'impression que finalement vous ne saviez rien. Oui, oui. Ben, oui, parce qu'il y a des moments, enfin, ça dépend de chacun, j'imagine, mais bon, moi, je ne pense pas tout ça, pas tout savoir. Et puis, il y a forcément des moments où, en fait, vous ne savez pas très bien comment prendre telle ou telle chose qui vous a été rapportée, ou tel fait, parce que vous avez des visions du monde qui se heurtent sur le terrain, parce que les rapports, bon, souvent, enfin, c'est ce que je dis aux étudiants, c'est-à-dire que les autochtones sont construits à la fois avec les Russes et à la fois contre les Russes, suivant les moments, suivant les rapports de force, suivant, bon, leur intérêt. Donc, il est évident qu'un même... un même fait peut être lu différemment. Et puis il y a aussi l'aspect suivant qui est parfois très délicat, c'est-à-dire que le chercheur, il est à la croisée du monde russe et du monde autochtone, et que chacun essaie de le récupérer, que chacun essaie de lui montrer les choses d'une certaine façon, et que le fait, par exemple, que les autochtones, enfin certains autochtones m'aient donné un nom autochtone, bon, sur le coup, ça m'a beaucoup touché, je crois que j'ai pleuré, mais en même temps, je me suis dit, c'est aussi, comme on est dans une société orale, c'est aussi une manière de prendre le pouvoir sur moi que de me donner un nom. Et si du coup, je deviens, entre guillemets, trop proche d'eux, pourrais-je encore finalement voir les choses telles qu'elles sont? Donc je crois qu'il faut vraiment essayer d'établir un partenariat éthique avec les sociétés avec lesquelles on travaille, mais sans s'y perdre non plus. Il faut vraiment que les choses soient claires et qu'on sache toujours qui parle à quel moment. Et c'est vrai que dans ma thèse, je pense que, enfin, les compliments qui m'ont été faits étaient dans ce sens-là, c'est-à-dire que je n'ai pas pris parti véritablement pour l'un ou pour le bon, même si on pouvait par moment avoir le sentiment que, voilà, mais que globalement, j'essayais vraiment à chaque fois de montrer la politique russe telle qu'elle était appliquée, christianisation, soviétisation, industrialisation, et simplement de voir les effets qui étaient perçus sur le terrain, puisqu'encore une fois, entre une politique centrale décidée à des milliers de kilomètres et puis ce qui se passe dans les faits, il y a souvent une marge, et que justement, ce qui se passe dans les faits, très souvent, les gens n'y ont pas accès. Donc vous estimez qu'il y a une sorte de dilemme, en fait, du chercheur. À la fois, il est courtisé par les autochtones, par le gouvernement russe, et est-ce que c'est, enfin, pas... les autorités locales, le gouvernement russe, je n'en suis pas encore là. Là, je vois que ça viendra peut-être, mais... Bientôt. Oui, bah, merci, Clément. Oui, bah, oui, n'en doutons pas. Mais est-ce qu'au final, c'est pas un peu difficile de garder ce qu'on peut appeler un code moral? Est-ce que vous tenez vraiment à... Étant donné que vous avez tendance à vouloir rester neutre et donner les faits tels qu'ils sont, qu'est-ce que vous pourriez décrire comme code moral du chercheur ? Il y a des attitudes très, très différentes. Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, mais aussi au Canada, il y a ce qu'on appelle une charte éthique qui est signée par les chercheurs. Par exemple, bon, enfin, je n'ai pas les prix en tête, mais un champ, ça va coûter $30. La nuit chez l'habitant, ça va coûter $50. Enfin bon, peu importe pour les prix. Mais voilà, donc ça passe par un engagement papier et financier. Les sociétés arctiques et subarctiques, en tout cas en Sibérie, étant assez peu monétarisées, et pour moi, je trouve que c'est aussi bien, je me vois mal appliquer ce genre d'éthique. Oui. Ça ne change pas un peu la dynamique, en fait? Ben, je pense. Ouais. Le fait de monétariser ça, c'est un échange culturel d'abord, donc il y a une sorte de vente, donc ça va se transformer en commerce, et donc on va peut-être perdre, en fait, la nature du fait. Oui, moi je pense qu'on perd de vue, enfin on peut perdre de vue un peu les choses, et puis il y a aussi le danger que moi je n'ai pas envie de participer à un suicide collectif, j'ai déjà pu observer sur le terrain que des autochtones qui avaient s'étaient engagés par exemple dans l'ethnotourisme ont eu des pourboires de la part de Russes ou d'Occidentaux qui venaient dans la région, et à partir du moment où ils ont eu l'argent, bah, là ils se sont mis à boire alors qu'avant ils ne buvaient pas, et que donc ça entraîne un certain nombre de comportements auxquels je ne souscris pas, voilà. Donc, effectivement, et puis je pense que c'est vraiment pas l'esprit sibérien et autochtone en particulier. C'est-à-dire qu'on sait que les conditions de vie sont difficiles et qu'à partir de ce moment-là, on fait les choses comme ça, parce qu'on sait que la vie est difficile et que bon, c'est pour ça que ce sont des langues autochtones, mais comme en breton, pour y revenir. Mais je ne le dirai plus qu'une fois après, promis, je n'en parle plus. Où on ne dit pas bonjour, où on ne dit pas merci, etc. Parce qu'on sait très bien que si on rend un service à quelqu'un un jour, le lendemain, c'est lui qui va vous rendre service. Donc dire merci, ça n'a pas de signification. Ça n'a pas de sens. Alors évidemment, renti, vous avez poumachipa, donc il vient de. C'est une déformation de spasiba, hein, du mot russe. Mais voilà, tout ça, c'est sous l'influence russe. Mais ça n'a pas grand sens. Donc moi l'éthique, je pense que c'est effectivement déjà séparer la vie privée et puis les travaux de terrain, puisque bon, je sais que par exemple je suis le parrain d'une de Daria, enfin d'Asha, une Nancy. Il est évident que ça ne doit pas affecter mon travail sur le terrain par ailleurs. Donc j'essaie véritablement toujours de me poser la question de qui parle, quels sont ses intérêts à dire telle ou telle chose, parce qu'on voit bien que les points de vue sont très différents, parce que là aussi, comme je le rappelle souvent aux étudiants, par exemple, il y a aussi l'inexpérience du jeune chercheur. Et quand je suis, mais même encore aujourd'hui où je ne suis plus jeune, mais il m'arrive d'aller dans des écoles et où on me dit, bon, les enfants, ils sont muets, ils ne parlent pas. Alors au début, moi je pensais que dans ces écoles d'enfants autochtones, ça voulait dire que je sais pas où, quand consanguinité oblige ou d'autres, alcool, il y a un certain nombre de tares qui faisaient que bah, ces enfants ne parlaient pas, ils étaient muets. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que c'est simplement parce que ces enfants ne parlaient pas russe. Donc ils étaient considérés comme muets. Ou alors des institutrices qui m'ont dit, je traduirai après. To chelovek onda je ne gavarit po chelovecheski. Bon, donc alors cet enfant, il ne parle même pas humain. Bon, donc c'est le genre de choses. Donc on voit bien que les points de vue ou toute la négation de ce qu'il y a avant l'arrivée à l'école, il y a toute la négation des savoirs qui sont ceux des enfants lorsqu'ils arrivent à l'école. Enfin, moi, je suis frappé de voir que des enfants de 6-7 ans, enfin des garçons de 6-7 ans, peuvent conduire un attelage, peuvent s'orienter spatialement et voir des choses que nous ne voyons pas dans la toundra, où nous avons l'impression que tout est uniforme. Des filles, même quand il pleut les cordes, arrivent à allumer une allumette, parce qu'elles l'ont fait d'une certaine façon 1000 fois dans le ventre de leur mère, sans doute. Et donc, elles savent coudre, elles ont un rapport à la nature et à l'animal, notamment, puisque pour les responsabiliser très tôt, ça fait partie de l'éducation, on confie à l'enfant un jeune animal dont il va devoir s'occuper. Donc tout ça fait qu'ils ont un savoir, alors qu'il n'est pas évidemment celui qu'on demande dans une école. Et simplement, au lieu d'avoir des enfants qui sont sur deux cultures, ce qui serait plutôt intéressant, on a pendant très longtemps uniformisé selon un modèle qui n'était pas leur modèle. Et finalement, on s'aperçoit évidemment un peu tard que le résultat est assez catastrophique à beaucoup de niveaux. Donc le chercheur, il est confronté à sa propre inexpérience, il est confronté aux intérêts du monde russe, c'est-à-dire que tout va bien, aux intérêts du monde autochtone, à dire que voilà, tout est affreux parfois. Mais je crois qu'il faut véritablement faire la part des choses et déjà avoir conscience que ces autochtones, me semble-t-il, en tout cas en Sibérie, ne sont pas uniquement des victimes. Parce qu'à partir du moment où on fait comme on reprend le discours de certains en disant qu'ils sont des victimes, on les réifie, on en fait des objets qui sont incapables de réagir. Et en fait, on s'aperçoit, là aussi c'est ce que j'essaie de montrer à travers mes cours, que ces peuples, s'ils sont encore là aujourd'hui, c'est parce qu'ils se sont au contraire en permanence adaptés au monde russe. Parfois on prit les armes, parfois on prit des emblèmes du pouvoir et les ont détournés. Enfin, il y a eu 1000 façons de réagir. Mais au contraire, s'ils sont encore là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont réagi. Donc ce ne sont pas uniquement des victimes, ils ont été acteurs aussi. Et ce qui est intéressant pour moi, et c'était le but de ma thèse au départ, c'était véritablement écrire une histoire, une expérience humaine qui n'était pas écrite, justement. Et qu'on ne trouvera pas dans les manuels divers et variés. Est-ce que dans ce travail inédit, il n'y a pas finalement... un rôle du chercheur dans la représentation de ces peuples, ou est-ce que vous pensez que finalement le chercheur devrait être un simple observateur tout le temps neutre, ouais, finalement. Ben, il y a plusieurs, évidemment, là aussi, possibilités. Bon, il y a ce qu'on appelle l'observation participante, où en fait, bon, ce qui est finalement pratiqué par beaucoup de chercheurs aujourd'hui, d'anthropologues, c'est le fait donc d'être un peu à distance, mais en même temps de participer, par exemple, je sais pas, à la pêche, à la chasse, ou enfin d'avoir des activités communes avec le peuple qu'on étudie, ce qui crée évidemment aussi des liens. D'ailleurs, les missionnaires du 19e siècle l'avaient fait, parce que quand à partir de 1822, il y a la liberté de conscience et la liberté religieuse, un certain nombre de prêtres se demandent comment avoir accès à ces communautés du Nord, et donc ils vont commencer parfois à chasser et pêcher avec eux pour justement créer un lien qui permet de les amener, de les tourner vers le Seigneur, c'est-à-dire de les convertir. Mais il est évident que oui, on a un rôle, en tout cas, bon, le fait de dire encore une fois que ce ne sont pas des, que ce ne sont pas des victimes uniquement, le fait de dire que justement face au chaos, face au désastre, elles n'ont pas arrêté de créer, et que de cette manière-là, enfin à mon sens, elles ont régulé comme elles ont pu les maux de la colonisation, et que ce qu'elles n'ont pas pu écrire, puisque certaines sociétés, en tout cas moi, les trois sociétés avec lesquelles je travaille n'avaient pas d'écriture, que c'est pas le cas de tous les peuples de Sibérie, mais en tout cas les sociétés avec lesquelles je travaille qui n'avaient pas d'écriture ont finalement historicisé des rituels, et en introduisant certaines choses, elles ont raconté l'histoire de la colonisation. Et que donc tout ça, ça reste quelque chose à faire, et que c'est évidemment suivant la relation qu'on établit avec la personne en face. Eh bien, les confidences peuvent aller évidemment plus ou moins loin, et on est parfois surpris et touché de voir que des choses qui ont été tues à beaucoup vous sont dites. Alors, en même temps, il faut évidemment aussi ne pas être dupe, parce que parfois, c'est, je sais qu'un certain nombre d'amis autochtones m'ont dit « Oh, bah, ce chercheur, il voulait absolument que je lui dise telle ou telle chose, donc du coup, je lui ai dit telle ou telle chose. » Et là, on voit bien qu'on n'est plus dans dire des choses sur soi ou sur sa communauté, mais on dit ce que l'autre veut entendre, parce que comme ça, on a la paix. En plus, éventuellement, il y a une bouteille de vodka à la clé, donc comme ça, tout va bien. Il y a même des chercheurs qui, dès le départ, arrivent avec des cajots de bouteilles, et puis comme ça, sont sûrs d'obtenir des champs ou des informations diverses et variées. Alors parfois, les autochtones même en rient après, en disant ah ben, lui, je l'ai bien eu, voilà ce que je lui ai raconté. Bon. Donc là aussi, il faut vraiment avoir conscience de tous ces paramètres-là pour essayer de... Mais le fait d'avoir des liens personnels, il est évident que ça... que c'est à la fois un danger et en même temps une richesse. Et là, je sais que sur les questions religieuses, il y avait justement je ne peux pas dire une amie, mais quelqu'un bon, que je connais déjà depuis longtemps, une Ranti du Nord, Julia, qui m'a fait aussi, moi, prendre conscience du rôle que je pouvais avoir en tant que chercheur, pas moi, Dominique Sanson, mais parce qu'elle m'a dit ces phrases, « Comme pour ceux qui m'ont déjà parlé de toi, pour moi, chacune de nos conversations a été très utile. Personnellement, cela m'a amené à réfléchir à ma présence dans la vie des miens, aux neiges de ma terre, au rôle de ma terre dans la vie de la Russie. » Je te dis ce que je t'ai d'ordinaire, parce que où que tu ailles, je sais que le souffle des terres Ranti te porte. Le grognement des rennes, le glissement vif des skis du chasseur, la brièveté du jour à l'aube et la longue nuit, tout à ses pensées, les neiges blanches si pures et le bleu du ciel Ranti. Mais Dominique, aujourd'hui, pourquoi m'interroges-tu sur Dieu ? Parce que là, donc, c'était évidemment sur des questions religieuses. Donc là, elle m'a fait effectivement comprendre que, évidemment, il se parle des chercheurs, enfin, ou des gens entre soi, et que finalement, je suis bien accueilli dans un certain nombre d'endroits parce que ma réputation me précède, et que, voilà, il y a parfois des choses extrêmement intimes, extrêmement belles qui surgissent. Bon, puis des choses aussi, parfois un peu... pressante, si j'ose dire. Mais en tout cas, c'est un terrain qui est à la fois très difficile et très, enfin, très beau pour moi, à l'image de cette Sibérie. En plus, si je ne me trompe pas, c'est un terrain qui a été peut-être de plus en plus difficile, parce que si vous y êtes allé à partir de 96, c'est un peu à partir de là où justement, disons, comment dire, l'enthousiasme, c'est un peu... Non, c'est pas ça. Il y avait un terme, le bal des civilisations, quelque chose comme ça, en Russie post-soviétique, s'essouffle un petit peu, donc j'imagine que ces peuples, ça a été plus difficile de les étudier à partir de... Oui, c'est-à-dire que j'ai vu la fin, puisque tout ne se répand pas, même si effectivement les choses changent, comme vous l'avez dit, dans les années 90, et tout ne change pas d'un coup, brutalement, de même que la soviétisation a mis beaucoup de temps à s'imposer, et qu'encore à la fin des années 20, voire début des années 30, dans certaines régions, on sait que les Russes rouges et blancs se font la guerre, mais on sait qu'un nouveau tsar qui est rouge et pas blanc, mais enfin on n'en sait pas beaucoup plus, hein, bah finalement, dans les années 90, l'enthousiasme qui a eu lieu, j'ai vu la fin, enfin les derniers feux de cet enthousiasme, j'ai vu beaucoup d'associations être créées, j'ai vu, bon, mais c'est vrai qu'après on sent tout de suite que les choses ont changé, c'était plus difficile. Bon, et encore, moi je n'ai pas eu pour l'instant de difficultés d'accès au terrain, mais c'est vrai qu'il y a des lois, par exemple, qui sont à l'étude actuellement dans le district autonome de Khantimansi pour interdire la venue dans les sites sacrés, que ce soit cimetière ou lieu de culte ou autre, d'enregistrer certains chants et prières ou autres. Donc on voit bien qu'effectivement il y a une espèce de repli sur soi qui est dû à l'histoire et puis au fait que on a l'impression que de nouveau on essaie de folkloriser ces cultures, de les mettre en avant, mais en même temps l'évident de leur contenu, comme à l'époque soviétique. Enfin, au moins avec Staline, c'était clair, puisque c'était national de forme, socialiste de fond. Donc on comprend qu'il n'y avait plus rien à l'intérieur, mais il y avait au moins la forme. Mais là, avec le gaz, le pétrole, et puis les intérêts politiques locaux, la redistribution des pouvoirs en permanence, c'est vrai que pour ces sociétés, c'est extrêmement difficile de trouver des interlocuteurs et des voix eux-mêmes. Mais ils explorent tout ce qu'ils peuvent pour essayer quand même de garder, sinon un contrôle de leur vie, au moins un contrôle de leur image, et de donner enfin l'image qu'ils veulent d'eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, un certain nombre de peuples ont choisi, par exemple, de mettre l'accent sur le renne. D'autres ont investi des rituels, plutôt, l'Ikenipke chez les Evenks ou le rituel de l'ours, Poupillac, chez les Khanti, parce que c'est l'image qu'ils veulent donner d'eux-mêmes. Et c'est ça qui est important. Et qu'on voit que du religieux, on est passé un peu à l'identitaire. Enfin, pas un peu, on est beaucoup passé à l'identitaire. Donc ils continuent quand même, avec une marge, évidemment, de jeu extrêmement étroite. Donc le chercheur, il doit composer aussi, effectivement, avec les difficultés du terrain et qui touche les peuples, mais qui touche aussi celui qui vient là. Et qui, en plus, n'est que... Parce que ça, je sais qu'une femme me l'avait dit, et bon, je sentais toute la douleur qu'il y avait là-dedans. Elle m'avait dit « Oui, mais toi, tu ne fais que passer. » Et ça, bon, enfin, je sais pas, j'imagine que certains chercheurs, je sais pas, ça ne serait pas affecté. Bon, moi, je sais qu'évidemment, ça m'a... Bon, même si je le savais déjà, mais là aussi, de l'entendre et se dire que tout ce qu'on peut voir de bien comme de beaucoup moins bien sur le terrain, nous, on le voit sur un temps, évidemment, court, et il faut condenser, parce qu'en plus, on peut pas être partout... On a un visa qui ne dure que tel temps, etc. Et maintenant que j'enseigne, en plus, c'est d'autant plus difficile, puisque finalement, je n'ai que 2 mois et demi l'été pour faire du terrain. Le reste, c'est souvent 15 jours, et c'est difficile de faire d'aller au fin fond de la toundra ou de la taïga en 15 jours, en fait. C'est un peu compliqué. Mais... Bon, je sais pas, c'est très difficile de savoir comment les choses ont évolué, puisque finalement, ces peuples étaient annoncés comme vimurayushi, c'est-à-dire agonisants, moribonds, tout au long du 19e siècle, aussi bien par les voyageurs russes que par les voyageurs occidentaux. Le pouvoir soviétique lui-même s'est emparé de ça pour dire, mais justement, nous allons les sauver. Bon, apparemment, il les a... pas complètement sauvés, oui. Donc, et finalement, ces peuples, voilà, se sont, dans les années 30, soulevés contre le pouvoir soviétique de manière parfois assez violente. Alors, ça a été suivi de représailles épouvantables. Mais je veux dire que finalement, ces peuples, en tout cas, il n'y a plus de l'Empire des Romanov, il n'y a plus l'Union soviétique, mais ces peuples sont encore là aujourd'hui. Donc, il faut espérer. Bon, magnifique transition vers notre deuxième partie. Où on va parler plus précisément de ces peuples. Qui sont-ils Je crois que c'était fini, moi. Non, non, ça commence. C'est que le début. Ah bah. Mais avant cela, on va écouter un autre petit intermède musical de Chestalov et Kudenka en Manti, qui peut être une sorte de sitar profane ou un rituel selon les circonstances. Voilà, c'est pas comme on le disait. Sacré, un instrument pour invoquer les esprits, pour les appeler à venir. Et Kudenka, donc, c'est une invitation pour que les femmes viennent danser devant l'ours, parce que l'ours voit tout, entend tout, la dépouille de l'ours qui est là, qui a été obtenue à la chasse. Et donc, c'est une invitation à danser. On va peut-être vous laisser prononcer le nom de la sitar profane. Sangwiltap. D'accord. Pas trop compliqué. Alors ça, c'est en Mansi, parce qu'en Khanti, c'est Narsiuch, l'arbre qui chante. Narsiuch. Voilà. Aïko Rinka Simano Nasa nyol pa kite nyarai pa ayo sa ikawan tane kema ayo sa porgan tane kema kaya kaya kaya ya ayo sa ikawan tane kema ayo sa porgan tane kema mirga shoutun posun kota umeta shoutun kasun kota ayo sa ikawan tane kema Ayo sa porgan tane kema, kaya kaya kaya ya. Ayo sa ikawan tane kema, ayo sa porgan tane kema. Yani kisnas pa posun kota, umeta shelton posun kota. Ayo sa ikawan tane kema, ayo sa porgan tane kema, kaya kaya kaya ya. Ayo sa ikwan tane kema, ayo sa porgan tane kema, ayo sa ikwan tane kema. Donc, la vraie question, c'est qui sont les nénettes, les granti et les mansi? On a pu le comprendre déjà avec le début de l'interview qu'il y a beaucoup de points communs entre ces cultures, bien que les langues soient différentes, comme l'ours. Donc, on aimerait en savoir plus. Qui sont-ils? C'est pas de quel point de vue on se place, mais disons que ce sont des peuples qui vivent, qui ne sont pas de là originairement, hein, qui sont remontés vers le nord au premier siècle de notre ère. Alors, on ne sait pas si c'est à cause de raréfaction du gibier, si c'est à cause de guerres interethniques. Enfin, ce ne sont pas des peuples du nord au départ, mais qui sont remontés, assimilant des populations locales. Et qui finalement sont vraiment adaptés, enfin totalement à leur univers, qui sont très attachés à leur terre. Parce que quand on voit les descriptions de Tchekhov ou de Lénine sur cette Sibérie occidentale, enfin ce n'est que marécage, sinistrose, etc. Alors que ces peuples, au contraire, la voient comme extrêmement riches, belles, donc tout est très, très relatif. Mais ce sont donc des peuples qui sont donc depuis déjà longtemps, comme je le disais, avec le monde, en contact avec le monde russe, et qui en même temps ont gardé un certain nombre de traits de leur culture traditionnelle, à savoir que lorsque je parle de tradition, évidemment, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas les habitudes, c'est pas ce qu'on fait, mais c'est une manière d'envisager le monde et de filtrer finalement toute la nouveauté. Donc ce ne sont pas des sociétés immobiles, parce que c'est pareil, on entend souvent aujourd'hui, alors il y a ceux qui les posent en victime, il y a ceux qui vous disent, y compris en Occident, mais s'ils sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont traversé les siècles en étant toujours eux-mêmes. Et encore une fois, je crois que non. Ils ont accepté parfois de s'affronter aux Russes. Alors, j'ai rien contre les Russes, mais c'est parce que c'est les Russes qui sont arrivés. Hein, je précise pour ceux qui écouteraient et auraient mauvais esprit. Bon, parce qu'on voit d'autres peuples comme les Nganasan, par exemple, plus à l'est de la péninsule de Taïmyr, qui ont choisi la stratégie de l'isolement. Très peu de christianisation, peu de contact avec le monde russe. Eux sont en train de disparaître doucettement, la langue n'est plus parlée. Bon. Donc là, les trois peuples avec lesquels je travaille, finalement, ont une stratégie plutôt payante en acceptant de s'affronter au monde russe. Donc ce sont des gens, au moins pour les Nets, qui peuvent avoir des traits plutôt asiatiques. Être très brun avec des yeux noirs. Pour les Ranti ou les Mansi, souvent ils ont la peau blanche mais avec des yeux bridés, ce qui fait parfois aussi créer un peu la surprise parfois de voir ce mélange. Donc pour les Nénètes, ils sont entièrement nomades, ils vivent dans la toundra, c'est-à-dire qu'ils restent rarement plus finalement d'une journée au même endroit parce que le lichen qui est l'aliment des rennes, est un biotope extrêmement fragile, enfin ça pousse d'un centimètre tous les 10 ans, donc c'est vous dire. Donc à partir du moment où les rennes paissent sur un pâturage trop longtemps, il n'y a plus, les réserves sont épuisées en lichen, donc ils sont obligés de bouger en permanence. Alors que les Khanti et les Mansi vivent donc plus au sud, dans la taïga, et ils vivent le long de l'Ob et de ses affluents, l'Ob étant leur fleuve sacré, et eux sont semi-nomades, c'est-à-dire qu'ils vont d'un village saisonnier à un autre. Village d'automne, village d'été, etc. Et ils ont été plus longtemps et plus proches du monde russe, mais comme je travaille avec les groupes du Nord qui sont éleveurs de rennes, finalement, eux ont gardé un mode de vie assez relativement traditionnelle, tout en ayant aussi des iPads, des ordinateurs, etc. Au fin fond de la taïga, on peut voir des clips sur un ordinateur, où il y a des groupes électrogènes qui permettent aussi d'avoir l'électricité pendant quelques heures et de regarder des émissions incroyables à la télévision. On peut avoir une couverture de téléphone aussi parce qu'il y a l'industrie du gaz et du pétrole qui est à côté. Et vous offre un portable ainsi qu'une motoneige. Le fait encore une fois. Et puis on voit à quel point cette irruption du progrès, elle est intégrée, parce que souvent les peuples, enfin nous que nous sommes, ont tendance à, lorsque nous n'aimons pas quelque chose, à l'exclure. Alors que les autochtones en Sibérie, en tout cas, ont plutôt tendance à l'intégrer et à essayer de lui donner un sens. Donc on s'aperçoit que très souvent les gens vous disent maintenant dans la toundra tu vas jusqu'au lac X et puis là tu prends à droite du Lérik. Bon, ça fait partie du paysage maintenant, c'est comme les Ranti ont créé des personnages du folklore qui sont le grand homme russe à la tête de fer et au ventre de fer, donc le Lérik, et la grande femme russe à la robe rouge qui est la torchère. Et ce sont devenus des personnages maintenant de la littérature orale. Donc là, on voit bien qu'il y a une intégration véritablement de cette nouveauté. Il n'y a pas de refus. Il faut composer avec et essayer de rejouer les choses, rituellement ou pas, ou par la parole, puisque dans une société orale, le mot a de l'importance, pour essayer de que les choses tournent à votre avantage. En tout cas, ce sont des sociétés, me semble-t-il, qui, malgré leur histoire complexes, sont vraiment encore plein d'humour, plein de joie de vivre et de ressources, de force. Enfin, il y a une force de vie, une force vitale assez. Ce que disait d'ailleurs déjà un vieil ostiaque, un missionnaire au 19e siècle, que nous sommes peut-être morts pour votre civilisation, mais nous sommes doués de vie, mais je n'y ai pas sauvé. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez, assez remarquable, puisque je pense qu'un certain nombre d'entre nous aura déjà baissé les bras, et eux, non. Je ne sais pas si j'ai répondu là encore à la question, parce que de toute façon, dire qui sont ces peuples, c'est extrêmement difficile, mais... C'était fait exprès. Vous êtes pervers, en plus, Clément, je vous sais beaucoup de qualité, mais pas celle-là. Peut-être pas pervers, mais tout cas, c'est intéressant de voir comment vous répondez à une question qui est aussi vaste. Pour revenir à leur histoire, leur premier contact avec le monde russe, est-ce que ça a été... la colonisation de la Sibérie et la tentative de christianisation? Alors, les premiers contacts, non. Alors, vous savez, d'abord, qu'en employant, parce que moi-même, je prends toujours des précautions oratoires avec mes étudiants, je dis bien que je vais parler de colonisation, mais que tout le monde ne fait pas cette lecture des événements. Même si je renvoie toujours à Kluczewski et ses leçons d'histoire, où il parle de justement colonisation, c'est un nouveau facteur russe historique. Disons alors peut-être la chute du canal de Sibir, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, très bien, bravo. Vous aviez bien potassé, vous aviez bien retenu vos cours, je ne sais pas. Bien retenu mes cours. Bon, ça c'est bien. Donc, les premiers contacts, a priori, c'est sans doute le commerce muet. C'est-à-dire le fait que des marchands des principautés du Nord, Pskov, Novgorod, ont franchi l'Oural, qui n'a jamais été une frontière véritablement, ont franchi l'Oural avec des fourrures, et avec des objets métalliques, pardon, ou de la verroterie, et de la vodka, et des armes à feu, et ont échangé ça contre des peaux, justement, ou du poisson, ou des baies. Et très souvent, on parle de commerce muet, parce que justement, personne ne parlait la langue de l'autre, et que les Russes de Pskov ou de Novgorod, les marchands, posaient à un endroit précis des objets, et si les autochtones étaient d'accord, ils posaient même leur fourrure, et chacun prenait... Et si, en revanche, les autochtones n'avaient rien laissé, ça veut dire qu'ils pensaient que ce n'était pas assez, ou que ce n'était pas les produits qu'ils attendaient. Donc les premiers contacts, a priori, ça a été ce commerce muet. Et c'est après qu'il y a eu des campagnes militaires d'envergure qui ont abouti à la chute du canal de Sibir. Et puis, les Russes ont progressé jusqu'au Pacifique, comme ça, au XVIe siècle, en créant à chaque fois des fortins. Et puis, à partir de ces fortins, sont nées les premières villes sibériennes, où ont afflué des fonctionnaires, des marchands, des prêtres, des exilés ou des paysans libres qui voulaient éviter le servage et qui du coup sont venus vivre la liberté en Sibérie, puisque le servage n'a jamais eu cours en Sibérie. Parce que souvent aussi on voit cette Sibérie, enfin c'est la noire Sibérie de Baudelaire, alors qu'en fait cette Sibérie elle a été aussi pour beaucoup J'avais d'ailleurs, avec deux collègues de Sciences Po et de Toulouse de Mirail, organisé une journée d'études en juin 2015 sur la Sibérie comme paradis. Parce que justement, pour un certain nombre de communautés religieuses, de paysans ou autres, ou de gens qui voulaient de l'argent, tout simplement s'enrichir, la Sibérie est une espèce d'Eldorado et un pays de liberté. Donc c'était un peu l'équivalent de l'Ouest américain pour la Russie. Oui, une espèce d'Eastern d'une certaine façon, parce qu'encore dans les années 70, où, bon, il y avait ce qu'on appelait les roubles longs, c'est-à-dire un salaire plus important, parce que les conditions de vie étant difficiles. Bon, et on s'aperçoit qu'un certain nombre de Russes, d'ailleurs, sont restés finalement là-bas, alors qu'ils auraient pu rentrer, sont restés là-bas. Bon, il y a aussi le romantisme, parfois, ces grands espaces, bon, qui font qu'on peut s'intéresser à la Sibérie, alors qu'au départ, on ne venait pas pour ça. Mais donc... On a eu une émigration qui, évidemment, a complètement déstabilisé les peuples locaux dès le XVIe siècle. On a des mansis, les mansis de Tabari, qui font écrire à l'empereur, par le gouverneur militaire local, en disant « nous sommes orphelins de notre terre », parce que les mansis sont les premiers vraiment sur la route des Russes vers l'Est, et ils ont été chassés par des paysans, enfin, des colons, et ont dû aller ailleurs, ce qui, évidemment, n'est pas... simple, puisque on pense que la Sibérie, elle est grande, elle est immense. Alors c'est vrai qu'elle est grande et immense, mais s'ils ont choisi un endroit bien précis, c'est en général parce que ça correspond à un certain nombre de critères de chasse, de pêche et précis. Et donc le fait de s'en voir déposséder, c'était quelque chose qui était difficilement compréhensible. Mais je pense que pour les Russes aussi, c'est là que la vision du monde est tout à fait différente. C'est que pour un Russe, à partir du moment où c'est pas construit, où il n'y a pas quelqu'un en permanence, je peux le prendre, la personne. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de gens en permanence. Alors que pour les autochtones, on est là depuis, sur un territoire traditionnel depuis longtemps, depuis des siècles, telle ou telle famille, elle n'est pas propriétaire, elle jouit de cet espace et c'est tout, mais il n'y a pas d'idée de propriété. Donc, évidemment, la colonisation, si on veut ce terme-là, en tout cas, elle a commencé au XVIIe siècle, après la conquête, et elle se prolonge jusqu'à aujourd'hui, mais de façon différente. Disons que maintenant, c'est avec le pétrole, etc., puis avec l'Arctique, tous les enjeux liés à l'Arctique maintenant, puisqu'en 2007, je vous rappelle qu'on a planté... les autorités ont planté un petit drapeau à 4000 mètres, je crois, de profondeur dans l'océan glacial arctique pour dire que c'était une terre russe, là, et donc il y a des revendications territoriales à ce niveau-là. Donc on voit bien des enjeux extrêmement importants. On a une image de la Sibérie faite d'aventuriers aussi, sans esclavage. Oui. Comme on a dit, le paradis pour certains. Et la vraie question est, est-ce que ça a vraiment été valable pour ces peuples-là Oui, ou finalement, est-ce qu'ils ont peut-être subi ce rêve russe? Ce rêve russe, oui. Ben, ils l'ont partie subi, parce que, comme je disais, par exemple, pour les Mansi, qui effectivement se sont fait évincer de leur terre, rapidement. Et puis, aujourd'hui, par exemple, les Khanty Mansi et les Nez des Forêts représentent dans le district autonome des Khanty Mansi Yougra, c'est le nom officiel, 1,5% de la population. Donc on imagine il arrive régulièrement que dans les boutiques, alors qu'on est en train de parler en langue autochtone, en Khanty ou en Nez, la vendeuse vous dit « Здесь говорят по-русски », ici on parle russe. Bon, il y a un certain nombre de... Enfin, quand il y a comme ça une population majoritaire, tous les mass-médias sont en russe. Alors depuis quelques années, il y a quand même eu des progrès. Enfin, à l'époque soviétique, il y avait des journaux en langue autochtone aussi, mais enfin, qui étaient tellement... c'était écrit en langue autochtone, mais enfin, le fond était tellement soviétique que... je ne sais pas ce qui restait vraiment de... L'autochtone, oui. Enfin, sinon la langue. Et encore, il y avait tellement de mots comme communiste, etc. Donc la langue était truffée aussi de mots russes. D'ailleurs, je rappelle, les étudiants le savent, mais que par exemple en Khanty, pour dire ennemi, parce que c'est une langue où on ne dit pas je t'aime, où on ne dit pas, enfin, il n'y a pas la notion d'ennemi, donc du coup, on a pris le mot silka. Silka qui veut dire exilé en russe, parce qu'effectivement, ces peuples-là ont vu tout à coup arriver sur leur terre, notamment à l'époque soviétique, parce qu'à l'époque impériale, c'était surtout des marchands ou des colons, mais à l'époque soviétique, ils ont vu arriver des exilés comme ça, qui étaient enfermés dans des camps, et ils ont vu des choses, enfin, évidemment, épouvantables quand on pense à ce qui peut se passer dans ces camps. Et je crois que ça a été un choc, évidemment, parce que finalement, pour ne pas remonter trop loin, mais mais il était donc le premier contact avec le monde soviétique pour les autochtones, ça a été la guerre civile. Donc ils ont vu les Russes et les Blancs s'affronter sur leur territoire, puisque l'amiral Kolchak avait fait de la Sibérie occidentale son quartier général. Donc ils ont été souvent réquisitionnés comme interprètes ou comme guides. Donc on trouve des morts autochtones du côté des Blancs comme du côté des Rouges, puisqu'ils ont été réquisitionnés de force. Et bon, c'était leur premier contact avec les forces soviétiques. Le deuxième, ça a été l'écrit avec des lois. Il y a eu plusieurs milliers de lois et d'amendements qui ont régi leur quotidien et auxquels eux n'avaient pas accès. Enfin, d'ailleurs, Arendti le dit à un moment à un fonctionnaire russe, mais n'écris pas ce que je te dis, mais retiens dans ta tête, c'est comme ça qu'on veut vivre. Donc on voit bien la différence. Et puis le troisième contact aussi important, ça a été les répressions des années 30. D'abord parce qu'ils se sont rebellés contre le pouvoir soviétique, et après l'assassinat de Kirov le 1er décembre 1934, où il y a eu un durcissement du régime, tout le monde était soupçonné de chauvinisme, nationalisme, etc., y compris les peuples du Nord. Et donc on a appliqué la grille de lecture aussi à ces communautés arctiques et subarctiques, et les gens se sont retrouvés arrêtés en prison, jetés dans des camps. La plupart des femmes n'ont pas su ce que devenaient leur mari, leur père, leur grand-père, leur fils. Et on ne l'a su finalement que dans les années 90, lorsque les archives du NKVD ont été ouvertes et qu'on a pu voir ce qui s'était passé. Donc ça a été publié dans la presse très souvent. Ce qui est déjà épouvantable, et une des choses aussi assez fascinantes, enfin pour moi, c'est le fait que la plupart du temps, ces gens ont été réhabilités, puisque bon, c'était l'esprit de l'époque qui voulait ça, mais ce n'était pas de gens coupables. Donc ils ont été réhabilités, et que ces familles n'ont jamais été averties de la réhabilitation dans les années 50 ou dans les années 80, lorsqu'il y a eu cette vague de réhabilitation. Les familles n'ont jamais été tenues au courant de ça. Donc elles ont découvert à la fois ce qui était arrivé à aux hommes, puisque c'est les hommes qu'on emmenait en général, où il avait été fusillé, quand, etc., ou dans quel camp il avait été emmené, et puis qu'ensuite il avait été réhabilité, et personne n'en avait jamais rien su. Donc ce qui est terrible, je crois, pour ces sociétés, c'est que d'une part on a volé leur vie, enfin leur vivant, mais on a aussi volé leur mort, puisque à partir du moment où les morts ne revenaient pas, on pouvait pas faire le rituel de mort, et ils étaient perdus pour le groupe, puisque ce sont des sociétés qui fonctionnent avec l'idée qu'on a, chaque peuple a un stock d'âmes finalement, et que si le peuple se régénère, se renouvelle, c'est parce que justement sous les traits d'un nouveau-né qu'on attend dans la famille, l'âme d'un mort va revenir, si on a bien fait le rituel. Bon, là, à partir du moment où il n'y a pas de cadavre, enfin on ne peut pas faire de rituel, du coup le mort ne peut pas revenir, et le groupe s'affaiblit, et ils expliquent comme ça le fait que justement ils soient dans une position parfois extrêmement délicate aujourd'hui. Et ce qui m'avait frappé, c'était de voir justement dans les années 90, puisque vous en parliez tout à l'heure, Clément, le fait de voir que sur le premier monument à Ranty-Mansisk consacré aux victimes des répressions politiques, il y avait donc les noms de tous les gens avec des dates, et je sais que tout de suite les gens ont fait des rituels devant ce monument, en touchant le nom et en faisant un feu, etc., en faisant des offrandes, parce que on pouvait enfin faire maintenant, essayer de récupérer ces morts en espérant qu'ils ne soient pas trop tard. Et je sais que pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, on a souvent chez les Ranty-Mansisk tatoué un oiseau, un type d'oiseau particulier, sur l'épaule des hommes qui partaient pour le front. Parce qu'avant, ils étaient dispensés de servir dans l'armée, mais à partir de 1942, on leur a fait comprendre que ce serait bien qu'eux-mêmes y participent. Donc du coup, ils sont allés sur le front. Mais là aussi, si ils mouraient, à Leningrad ou à Berlin, comment faire pour récupérer le corps? Et donc, du coup, grâce à cet oiseau, on pouvait supposer que le défunt reviendrait chez les siens, et qu'on pourrait d'une certaine façon inverser les choses, ou en tout cas le faire revenir parmi les siens, sous les traits d'un enfant à venir. Durant les années 90, est-ce que, on en avait déjà un peu parlé, mais finalement, est-ce que cette fameuse phrase qu'avait dit Yeltsin, prenez autant de souveraineté que vous pouvez en avaler, est-ce que ça a été valable pour ces peuples? Est-ce qu'ils ont pu profiter finalement de cet élan pour sortir de ce qu'ils avaient pu subir sous l'URSS? Au niveau associatif, je pense que oui. En ce qui concerne les organes du pouvoir, c'est plus ambigu, plus discutable. Bon, c'est vrai que l'une des spécificités du district autonome des Khanty-Mansi, c'est qu'il y a une assemblée à Prestavitch, Kolonich Manchitlenich Narodov Sievir, donc une assemblée des représentants des peuples minoritaires du nord du district. Il y a un quota de députés autochtones. Bon, la seule chose, c'est que leur nombre diminue régulièrement. Et puis que souvent leur rôle est cantonné, me semble-t-il, à des votes bon, concernant leur communauté, justement. C'est que par exemple, il n'y a pas très longtemps, une nouvelle loi a été votée comme quoi, dès 16 ans, on peut porter une arme, alors que non, c'est 18 ans, parce que ce sont des sociétés de chasseurs encore, donc évidemment, ça a du sens. Voilà, donc, ou dans le domaine socioculturel, ou défense de la langue. Ou... Bon, mais ça reste extrêmement empirique, et puis c'est vraiment limité à leur propre culture. Mais à partir du moment où ils sont, par exemple, un des gros problèmes, c'est la terre, à partir du moment où ils ont l'usufruit de leur territoire clanique traditionnel, mais qu'ils ne détiennent, ils n'en sont pas propriétaires et ils ne tiennent surtout pas les droits du sous-sol, évidemment, maintenant c'est mieux parce qu'il faut, par exemple, leur demander leur autorisation pour sonder leur terre pour voir s'il y a du gaz ou du pétrole. Mais bon, comme je le dis aussi aux étudiants, il y a 10 000 façons d'obtenir une signature. Donc, dans les textes, effectivement, c'est bien. Voilà, on a fait des progrès. Mais dans les faits, c'est beaucoup plus relatif. Donc, il y a évidemment dans certains districts autonomes, voilà, une représentation autochtone dans les organes du pouvoir, par exemple. Mais encore une fois, son pouvoir me semble limité. Bon, vous savez aussi, depuis quelques années, ce ne sont plus les gouverneurs. Enfin, ils ne sont plus élus, mais ils sont nommés. Enfin bon, tout va un peu dans un sens. Bon, alors parfois, il y a quand même des choses qui sont accordées. Enfin, bon, cela étant dit, le problème, c'est que souvent, ce que décide Moscou au niveau local, il n'y a pas de répercussion immédiate parce que personne ne sait comment gérer ça, on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc parfois, quand on vous dit, vous avez le droit à ça, alors les autochtones vont à un endroit, on leur dit, ah ben non, c'est pas nous qui nous en occupons, donc ils vont dans une autre administration, et l'administration dit, ah ben non, c'est pas nous non plus, et finalement, on arrive à rien. On a pu déjà avoir un peu des échos par rapport à ça, aux problèmes actuels en fait de ces sociétés-là. Donc le problème d'hydrocarbures déjà. Parce que l'un des peuples avec lequel vous travaillez, les Nénets, vivent directement sur la plus grande région d'hydrocarbures de Russie actuellement. Là, c'est 90% du. Enfin, la Yamal où je travaille, c'est 90% du gaz russe. Et pas de chance, parce que ça, je n'ai pas choisi comme ça au départ. Mais, et les Khanty-Mansi avec qui je travaille, mais surtout les Khanty, du point de vue pétrole, chez les Khanty, c'est 60% du pétrole russe aussi qui est extrait sur leur terre. Donc on voit bien effectivement à quel point c'est difficile de résister dans ces conditions-là à tous les intérêts économiques entre les compagnies privées, les compagnies d'État, les autorités locales, les investisseurs. Enfin bon, c'est extrêmement compliqué et ne font pas le poids. Et je vois bien quand on me montre des contrats qui ont été signés avec des compagnies de gaz et de pétrole, à quel point ces contrats sont inégaux. Et c'est pour ça que moi j'encourage encore les familles à mettre leurs enfants à l'école, même s'il n'y a pas de modèle d'école idéal, si j'ose dire. Puisqu'on a eu plusieurs systèmes. Bon, d'abord, ce sont des enseignants qui ont été envoyés là, des jeunes comme Somol, dans les années fin des années 20, début des années 30, dont souvent d'ailleurs mes informateurs, bon, même si le terme n'est pas tout à fait idéal, mais garde à mon souvenir. Mais après, on a très vite compris que c'était très compliqué d'envoyer des petits jeunes là-bas. Bon, et puis on n'avait pas la population sous la main, donc on les a regroupés dans des internats. Et là, ça a été évidemment la fin, puisque les enfants, finalement, ne parlaient plus leur langue. Il n'y avait aucune transmission des savoirs traditionnels, aucune transmission des rituels, donc de la langue. Et quand ils revenaient chez eux pour 2 mois, l'été, souvent, ils regardaient leur monde avec des yeux d'étrangers. Et alors, comme les études duraient plus ou moins 9 ans, c'était extrêmement difficile de se réacclimater. Et d'ailleurs, dans pas mal de familles, moi, je sais que des grands-pères et des grands-mères, des grands-parents se sont suicidés parce qu'ils étaient horrifiés de ne plus pouvoir communiquer avec leurs petits-fils ou leurs petites-filles. Et ça, c'est une chose. Et c'est aussi un autre visage de l'école auquel on ne pense pas... toujours, et j'avais traduit aussi un texte sur les cheveux coupés aussi, parce qu'une des choses moi qui m'avait beaucoup étonné, c'était le fait que les femmes nénettes qui ont des nattes se souvenaient encore à 40, 50, 60 ans, 70 ans du bruit des ciseaux dans leurs cheveux. Et je sais que j'avais une Anastasia, qui est née en 1944 de la toundra de Baïtarata, qui justement, elle avait un rêve qui l'obsédait. C'était ses cheveux qu'elle voyait tomber et elle se demandait pourquoi. Bon, on en a pas mal parlé et je lui avais demandé de vraiment enfin, réfléchir à ce que ça pouvait signifier. Et puis un jour, elle m'a appelé dans son tchoum. Alors la tchoum, c'est la tente des éleveurs de rennes nomades. Et voilà ce qu'elle m'a dit. Alors, du coup, je l'ai traduit, c'est pas très long. Sinon, vous me faites des signes désespérés. Tout si c'est... Mais je pense que ça montre bien, là aussi, parce que souvent, les Russes vous disent « Ah, vous, on leur a porté l'école, etc. » Et je crois qu'ils ne mesurent pas ce que ça veut dire, parfois, dans la chair de quelqu'un. Enfin, vous mesurez, puisque vous connaissez le monde russe. Vous, moins, Najwa. Mais ouais. Là, vous allez peut-être découvrir. Bon. Et vous allez vous mettre au russe après, vous allez voir. « Des cheveux coupés. Sur le sol tombent des cheveux jeunes d'un châtain profond. Épais, longs, ils se déversent en un flot ininterrompu. Je les admire, les lance en l'air, légers, soyeux. Ils ne cessent de tomber comme la neige une nuit de nouvel an, à l'infini. D'où proviennent autant de cheveux? J'ai tourné la tête, je veux regarder la source de ce torrent intarissable. J'ai légèrement bougé et cela m'a réveillé. Je n'en ai pas envie. Que s'éternise cet instant magique. Ce sont mes cheveux. Pourquoi me les coupe-t-on? Dans quel but? La mémoire m'a soufflé que ce songe a surgi de mon enfance. J'ai été emmené à l'école internat, je ne comprends pas le russe. C'est la première fois que je suis dans une maison de bois. J'y étouffe. Les enfants courent, leur bruit résonne dans les murs. J'ai le sentiment que ces murs vont bientôt s'effondrer sous ce vacarme. D'autres petits de mon âge sont à côté de moi. Toutes les fillettes portent la même robe, les garçons sont vêtus comme des jumeaux. Nous faisons la queue pour être tondus. Afin que nous n'ayons pas de poux, nos petites têtes doivent être vierges de tout cheveu. Mon tour ne cesse d'approcher, je ne reconnais pas ceux qui ont été rasés avant moi, qui est un garçon, qui est une fille, je ne peux le deviner qu'à la tenue. Tous sont devenus chauves. Ils palpent leur crâne, certains dans un sourire, d'autres frappés de stupeur. J'ai très peur de rester sans cheveux. Que dirais-je à maman? Elle ne me reconnaîtra pas parmi toutes ces têtes chauves. Elle aimait faire mes longues tresses, mon chant sur ses lèvres. Tandis que je me remémorais le chant qui me berçait, mon tour est arrivé. Une femme m'a assise sur une chaise. Celle-ci est si haute que mes jambes pendent dans le vide, à mi-hauteur des pieds de la chaise. Les bottes de feutre que l'on m'a données, trop grandes pour moi, glissent de mes pieds en dépit de mes efforts pour les serrer l'une contre l'autre avec mes genoux. Mes bottes s'échappent. Mes jambes sont trop courtes. Je me suis couvert la tête de mes mains. La femme a brutalement retourné mes paumes, les a posées sur mes genoux. Les ciseaux émoussés ne peuvent venir à bout de mes nattes bien tressées. Ils se heurtent dans un grincement à mes cheveux. Ensuite, toute ma vie, ce bruit me hanterait. Sur le sol gisent mes deux tresses, jetées négligemment. J'ai glissé depuis la chaise haute. Je veux ramasser ces tresses inanimées. Mais d'un coup de pied, la femme les a envoyées dans un coin. Le froid de la lame de ciseaux pénètre mon cœur, me transperce jusqu'au talon. J'ai commencé à avoir froid. Je ne suis qu'un tremblement, j'ai encore de nombreux cheveux. La tête me tourne, je suis prête à m'évanouir, des sueurs froides ruissellent sur mon visage. À présent, je ne m'apitoie plus sur mes pauvres cheveux, j'attends seulement d'en finir au plus vite avec cette coupe à ras. Enfin, la femme me fait descendre de ma chaise. Est-ce la faute des bottes trop grandes ou de ma faiblesse, mais j'ai trébuché, et des larmes ont jailli de mes yeux, tel un rue. On n'a pas le droit de pleurer dans un internat. Mais que puis-je faire si mon cœur fond en larmes, si je n'ai pas la force de réprimer mes sanglots? Il faut pleurer sans bruit. Personne ne me prendra dans ses bras. Il y a seulement des rires et puis mon crâne nu que l'on caresse. Pourquoi pleures-tu, petite sotte? Il en poussera d'autres, des cheveux. Regarde-nous, tu n'auras pas de poux. Des filles ou des garçons virevoltent, le crâne rasé. Je ne peux reconnaître personne. Je ne vois pas de visage, seulement des têtes chauves. Je me suis approché d'une glace. Une femme aux cheveux gris m'y regardait. D'où venait-elle? Qui était-elle? Je tente de scruter, de découvrir les traces de cheveux cuivrés chez cette vieille femme. Mais rien. Où et qui es-tu, fillette aux cheveux de cuivre? J'ai saisi les ciseaux de tailleur et coupé la dernière frange hideuse au milieu du front qu'on m'avait laissée et qui me rendait affreuse. « Qu'as-tu fait ?» demandent les miens. « Je veux être à la mode. Ceux qui n'ont jamais été rasés de force ne me comprendraient pas. » Et parce que souvent, moi, ça m'a étonné de voir que, effectivement, ce qu'on présente comme une mesure hygiéniste, le fait qu'il n'y ait pas de poux, en fait, ça ne se passe qu'une fois. Parce que si ça avait été vraiment une question de poux, bah, à chaque rentrée, pendant 9 ans, au mois de septembre, on raserait les gens. Et là, je pense qu'on est quelque part dans un rituel d'État, enfin un rituel initiatique, où on, la première fois, simplement, que l'enfant est scolarisé, on le rase, on le tond, mais on lui enlève aussi tous ses vêtements, on lui fait prendre un bain et on le rhabille à la russe. Et très souvent aussi, on lui donnait un prénom russe. Donc là, je pense qu'on voit bien qu'il y a autre chose qui se joue à ce moment-là et que bah, il ne faut pas y étonner si évidemment un certain nombre de personnes l'ont mal vécu et que ça, plus l'école en tant que foyer du socialisme, ça fait beaucoup pour des gens qui ne sont pas préparés à ce genre de choses. De toute manière, ça reste un acte assez violent, je trouve. Même dans une société complètement occidentale, quand on touche, par exemple, aux cheveux d'une femme ou même d'un homme, hein, Clément... Pendant la guerre, les femmes rasées, on voit bien que là, il y a quelque chose... L'exemple pour la France, oui, c'est ça, c'est les femmes rasées. En Espagne aussi, pendant la guerre civile, on a réussi. Donc on voit bien qu'effectivement, en plus pour les nénettes, ce qui n'est pas a priori le cas en France, en tout cas dans les années 40, c'est que pour les nénettes, les femmes ont quatre âmes, et une des âmes est dans les cheveux. Ou le fait de déployer les cheveux, enfin de défaire les nattes, c'est signe de deuil. Et donc ça voulait dire appeler le malheur sur soi d'une certaine façon sur les siens si on le faisait. Et tout ça, évidemment, les éducateurs ou les instituteurs russes n'en avaient pas conscience. Et Anastasia, c'est quelqu'un qui, par exemple, lorsqu'elle est allée à l'école après cette aventure, elle a eu son premier cours et elle a eu tellement peur qu'elle s'est réfugiée sous le pupitre. Et l'instituteur a essayé de l'en déloger, mais elle ne comprenait pas ce qu'il disait, donc elle était là, réfugiée, à l'abri. Du coup, il s'est emporté et il a envoyé baldinguer le pupitre. Il l'a prise très, très violemment par le bras et l'a secouée. Et donc, en fait, le lendemain, elle s'est réveillée aveugle. Elle n'avait plus sa poupée avec de canard déjà qu'on lui avait prise. Et puis, il y avait eu ce choc qui, entre les cheveux et la violence de ses instituteurs, parce que l'éducation est tout à fait différente en milieu autochtone. Et en fait, on l'a promenée d'hôpital en hôpital. Et puis, on n'a pas réussi à lui rendre la vue. Donc, on l'a rendue à la toundra, en revanche. Et au bout de 2 ans, 3 ans, un matin, elle est sortie. Donc, et c'est pour ça qu'elle connaît beaucoup de légendes, de contes et autres, parce qu'elle était avec les anciennes qui n'étaient pas scolarisées, évidemment, qui avaient dépassé l'âge. Et donc, elle connaît beaucoup d'histoires, parce qu'elle, en tant que petite fille aveugle, elle était souvent avec les anciennes dans le campement. Et un matin, en sortant du tchoum, là, elle a vu la lumière. Et maintenant, elle est devenue cinéaste. Et je pense que c'est une belle histoire aussi de fashion. Et elle-même ne veut pas juger. Elle dit, bon, j'ai vécu ça. Peut-être que si je n'avais pas vécu ça, je ne serais pas devenue cinéaste. Je ne sais pas. C'est aussi, je crois qu'ils sont beaucoup plus sages que moi, malgré mon âge. Parce que moi, j'ai une capacité quand même encore à me révolter. Ou à, bon. Et eux ont, d'une certaine manière, vraiment... je ne vais pas dire un détachement, mais ils essaient toujours de voir le côté positif des événements. Ouais. Ce qui n'est pas faux. Ce qui est bien, mais dans certaines circonstances, on a parfois du mal à voir. On essaie, tu vois, on gratte jusqu'au sang pour voir, on n'a plus que des petits moignons avant de gratter pour voir le positif, mais eux, ils arrivent. Je pense qu'on va passer à la troisième partie de notre interview, vu que ça est déjà assez long. Mais c'est loin d'être grave. Mais avant, on va écouter. On peut couper, oui, rassurez-moi. Oui, on comprendra tout. Laissez-moi une question, peut-être. Oui. Non, on va essayer de garder un maximum de toute façon. D'abord, on va passer un autre extrait. Cette fois-ci, c'est Niekocha. Mm-hmm. Niekocha, qui veut dire la fille rêve, en NS de la toundra. Et c'est un morceau qui est à deux voix pour piano. Donc, une chanson qui, au départ, a été créée, un chant personnel, mais qui est tombé dans le domaine public, si j'ose dire, et qui a été modernisé avec effectivement du piano et chanté à deux voix, alors qu'on ne chante qu'à une voix d'habitude. Сяду мы и на коне. Vous avez aussi étudié les phénomènes religieux parmi ces peuples de Sibérie occidentale. Quelle est la religion principale de ces peuples ? Bah, traditionnellement, c'est l'animisme, et donc le chamanisme en l'occurrence. Maintenant, il y a évidemment des liens anciens avec l'orthodoxie, dans des contextes religieux assez différents, puisque au XVIIIe siècle, ce sont des missions, des campagnes d'évangélisation avec des missionnaires qui ne doutent de rien. Et qui ont dans une main finalement la croix et dans l'autre le glaive. Et puis au XIXe siècle, en revanche, avec le statut Speransky concernant les peuples indigènes, on a une liberté religieuse qui est proclamée. Et donc là, ça devient beaucoup plus difficile pour les missionnaires de convertir. Ça devient même parfois un cauchemar, puisque on a, par exemple, Nicolas Lieskov, pour les russisans, enfin les autres on peut le dire aussi d'ailleurs, mais qui a écrit « Nakrayu Sveta » au bord du monde, qui raconte l'histoire d'un évêque de Sibérie qui va inspecter justement son nouveau diocèse. Et puis il se rend compte avec horreur que dans tous les monastères, les moines font des choses très vilaines, avec des dames en l'occurrence, mais que, pas seulement, parfois ils prennent des cantiques, alors ils gardent la mélodie, mais transforment les paroles de manière très paillarde, enfin bon, ils boivent énormément, enfin bref, ils font des choses très vilaines. Donc il est un peu déçu, et puis il va plus loin dans son diocèse, et là il a pour guide un Tungus, donc aujourd'hui on est un évêque, qui donc l'emmène dans différents endroits. Et à un moment éclate une tempête de neige épouvantable, et donc... le Tungus dit au missionnaire de descendre du traîneau de Rennes, et il commence à creuser une espèce de trou dans la neige. Il y installe le missionnaire, pose le traîneau par-dessus, recouvre de neige, enfin bon. Et là, le missionnaire perd connaissance. Et il revient à lui quelques temps après, on ne sait pas combien de temps, et il se dit, ben voilà, je vais mourir de faim, ce sauvage m'a abandonné, enfin, bon, ça m'apprendra à venir en Sibérie. Et tout à coup, il entend quelque chose qui gratte, et au bout d'un moment, il finit par voir, dans un demi-coma, la tête du fameux Tungus, qui, malgré ben, toujours le froid, est nu-tête. Et surtout, outre cela, l'évêque a dans une main un morceau de viande. Et du coup, le missionnaire, n'écoutant plus, non pas son courage, mais sa faim, se précipite sur la viande, mange. Alors comme c'est de la viande crue, c'est un péché, bon, enfin, c'est pas grave, il n'y pense pas à ce moment-là. Et finit par demander au Tungus, mais tu es nu-tête, enfin, que s'est-il passé, pourquoi tu risques la mort ? Et le Tungus lui dit, mais une fois que je t'ai mis à l'abri, je me suis dit qu'il allait sûrement falloir que tu manges quelque chose, etc., pour tenir. Donc du coup, je suis allé chercher de la nourriture, et en fait, là, dans la tente où je suis allé, il n'y avait personne, mais il y avait ces pièces de viande, et donc j'en ai pris une. Et comme j'avais rien à leur laisser d'autre, j'avais pas d'argent, j'avais pas de rien, du coup je leur ai laissé mon chapeau. Parce qu'évidemment en Sibérie, on peut pas imaginer, bon ça c'est moi qui le rajoute, on ne peut pas imaginer prendre sans donner. On est dans une relation d'échange en permanence. Et ce qui explique d'ailleurs aussi pourquoi il y a eu, enfin moi le dernier cas c'est dans les années 80, il y a ce qu'on appelle la mort volontaire. C'est-à-dire que lorsqu'un chasseur, pêcheur ou éleveur est certain que sa descendance est assurée, c'est-à-dire qu'il a un fils, un petit-fils, etc. Puisqu'on est évidemment dans mode patrilinéaire, eh bien, plutôt que d'aller dans une maison de retraite où il va manger tout sauf du renne et va être avec des gens qui vont le rendre encore plus débilitant, eh bien, du coup, il va mourir dans la forêt. Et il devient proie lui-même, et il a pris toute sa vie, et du coup, bon, alors il a fait les rituels, etc., avant de prendre, évidemment, du gibier, mais disons qu'il va s'offrir et mourir dans la taïga, voilà. Et donc, Tungus explique voilà, qu'il a laissé son chapeau, et là, du coup, le missionnaire a une sorte de révélation et se dit, mais finalement, mon vrai prochain, c'est peut-être ce type que je pensais sauvage, qui est pourtant chamaniste, animiste, mais qui finalement a eu ce comportement, alors que moi, mes pères sont en train de faire ripaille et autres dans les monastères. Donc, les rapports voilà, sont assez anciens entre chamanisme et orthodoxie, et alors parfois ils se complètent, parfois ils s'opposent, mais je sais qu'il y a chez les Ranti actuellement le rituel de l'ours qui a été interdit dans les années 30, mais qui apparaît essentiellement au 19e siècle. Il apparaît au 18e, mais sous une forme un peu autre, mais avec le même cœur néanmoins, c'est-à-dire une mise à mort de l'ours et puis des excuses qui sont présentées, mais en disant ce n'est pas nous qui t'avons tué, ce sont les Russes. C'est la flèche fabriquée par les Russes, les Russes avaient le métal, enfin bon, bref. Et bien ce rituel, il s'est transformé au XVIIIe siècle au point de ne plus passer pour du chamanisme, parce que justement, c'est ce que l'un des premiers académiciens et historiens de la Sibérie, Gerhard Friedrich Miller, il le raconte, il dit, mais finalement là où sont passées les missions en 1712-1715, il n'y a plus de tambours. Il n'y a plus de sacrifices, il n'y a plus de chaman. On a en revanche une sitar, dont vous parliez tout à l'heure, la joie. On a des petits pains, enfin des figurines animales, mais en pain, donc ils sont cuites, et dont on coupe la tête, etc. Mais voilà, il n'y a plus de sacrifices. Et puis il n'y a plus de chaman, mais il y a et le tambour, mais il y a cette sitar, et le chaman, enfin la personne, c'est un musicien, un chanteur, qui donc a cet instrument à cordes et qui appelle les esprits. Voilà. Donc on voit bien qu'à partir du moment où il y a eu une répression et où tout ce qui est tambour chamanique, sacrifice, a été perçu comme quelque chose de dangereux pour la survie du groupe parce que les autorités religieuses et politiques ne l'acceptaient pas, et ben on a évolué justement et on a essayé de trouver une autre solution pour continuer à chamaniser, mais de manière discrète. Ouais, voilà, de manière acceptable, parce que pour un russe normalement constitué de l'époque, s'il n'y a pas de sacrifice, s'il n'y a pas de chaman et s'il n'y a pas de tambour, c'est bon. Mais on voit au 19e siècle un certain nombre de... Ben, ne serait-ce parce qu'il n'y avait pas de médecins ou très peu dans un gouvernement, qui était la grande unité administrative. Il y avait deux, trois feltchers peut-être, c'est-à-dire entre le médecin et l'infirmier, et puis un vrai médecin. Mais le reste du temps, s'il était très loin dans le gouvernement, comment faisait-on pour se soigner? Eh ben, on a un certain nombre de Russes qui du coup allaient voir des chamans parce que bon, et qui assistaient à des rituels. Donc on voit bien que les rapports ont parfois été tout à fait conviviaux, et puis à d'autres moments il y a évidemment des rapports tendus, et puis il y a une peur souvent des Russes aussi. En même temps ils moquent le chamanisme et en même temps ils en ont peur, et on a un tas d'histoires comme ça où dans chaque famille, on le voit au 19e, souvent les exilés politiques le relatent et disent, mais je pense à Nikolai Plaïev par exemple, qui relate l'histoire de trois fiers à bras là justement qui vont voler des pommes de pin et donc des pignes sur le territoire de Ranti. Et les Ranti arrivent sur ces entrefaites et disent, mais c'est à nous ce morceau de territoire et donc ces arbres et ces fruits. Et les Russes, évidemment, se moquent et finissent par les tabasser. et les rentis, enfin à l'époque on disait les ostiaques, disent mais c'est pas grave, vous allez voir ce qui va vous arriver. Alors évidemment, tout le monde de rire. Et le lendemain, ces trois garçons qui avaient, je sais pas, une vingtaine d'années, d'après les sources, qui étaient donc vraiment des grands gaillards en pleine santé, etc., il y en a un qui est devenu neurasthénique et deux qui sont devenus fous. Bon. Et donc à chaque fois comme ça, il y a des histoires où en même temps, voilà, on se moque du chamanisme, et en même temps, bon, manifestement, il y a quelque chose, et donc du coup, on essaie de ne pas quand même trop s'y frotter. Donc voilà, et ça c'est bon, les religions traditionnelles, entre guillemets, et puis ce qui devient maintenant traditionnel, puisque ça fait un moment qu'elles sont là, depuis les années 90, sont les églises évangéliques, qui ont beaucoup de succès dans le Nord. Ça va de pentecôtistes aux baptistes, mais aussi des témoins de Jéhovah, bon. Et on a finalement cette espèce de convivencia, on dirait en espagnol, enfin de, où on vit ensemble. Alors évidemment, là aussi, suivant les endroits, on a des cas de figure différents, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des triangles plus ou moins harmonieux, hein, évidemment, parce que parfois même entre communautés évangéliques, on se déteste. Bon. Mais il est évident que beaucoup de gens passent par plusieurs églises, enfin aujourd'hui en tout cas, passent par plusieurs églises. Au cours d'une vie. Enfin, je sais que moi, beaucoup des gens avec qui je travaille sont nés dans un milieu chamaniste et sont chamanistes, passent plus ou moins par l'orthodoxie ou par les églises orthodoxes ou par les églises protestantes, pardon, avant de faire un choix, bon, finalement, pour l'une ou l'autre. Mais souvent, évidemment, là aussi, par rapport à nous, il y a cette vision que, de toute façon, plus il y a de Dieu et mieux c'est, finalement, puis que chacun a son domaine de compétence. Et que, traditionnellement, pour un autochtone, les esprits de la forêt et de la toundra, ben, eux, ils ont du sens et ils sont valables, ils savent comment s'y prendre dans la toundra et dans la taïga. Mais que, par exemple, une icône, effectivement, on peut très bien avoir une icône chez soi, dans sa maison, parce que ça, le dieu des Russes, bon... D'ailleurs, enfin, en russe, en Nenets, on dit Luchacheche, hein, le dieu russe. On montre bien que c'est un dieu, mais il est russe. Donc on a quand même conscience qu'il est d'origine exogène. Et on a des textes en littérature orale qui expliquent comment, justement, Saint-Nicolas Thaumaturge, par exemple, s'ennuyait dans la partie européenne de la Russie, qu'il n'avait rien à faire. Il avait déjà montré ses miracles à tout le monde. Donc voilà, il n'y a pas d'avenir vraiment pour lui en Russie. Alors du coup, il a traversé l'Oural et qu'il s'est retrouvé chez les Nenets. Et qu'il est devenu l'esprit auxiliaire de Noum, l'esprit céleste des Nénètes. C'est que voilà, et c'est comme ça qu'on explique l'arrivée de l'orthodoxie à Yamal, enfin dans le Nord. Donc là aussi, je trouve que les missionnaires, moi, souvent, j'essaie de le montrer aux étudiants, parce que l'historiographie soviétique, comme beaucoup d'occidentaux, ont tendance à dire mais ces missions, de toute façon, orthodoxes, elles n'ont jamais, ça n'a jamais marché. Et en fait, moi, j'essaie de montrer qu'au contraire, ça a marché. Alors simplement pas comme on l'espérait, sans doute, mais que ça, parce que ça a obligé ces sociétés finalement à évoluer une fois encore. Et on s'aperçoit que, outre bon, le fait d'apprendre à chamaniser de manière plus discrète, comme je le disais précédemment, mais il y a aussi le fait que on voit apparaître des genèses tout d'un coup, bon, alors évidemment, vu suivant les critères autochtones, mais qui expliquent l'origine du monde, etc. Enfin, ce qui n'est pas du tout dans la façon de concevoir les choses des autochtones. Et il y a même cette image, bon, qui peut déplaire aux Russes, mais que je trouve assez mignonne quand même sur le fond, qui est, ils ont repris l'idée de paradis, puisque je parlais de Sibérie comme paradis tout à l'heure, mais en parlant, les ostiaques, les rentis, mais en parlant de troisième ciel, sans maladie, sans impôts et sans Russes. Et on s'aperçoit qu'au Kamtchatka, tout à fait l'opposé, on a un peu la même chose, c'est-à-dire là un monde souterrain là, plutôt, sans orage, où les riches deviennent plus pauvres et les pauvres deviennent plus riches, et sans Russes aussi. Donc il y a une belle constante à ce niveau-là qui est assez révélatrice aussi quand même des rapports entre les mondes. Donc vous avez, si je ne me trompe pas, vécu avec des... C'est pentecôtistes. Des pentecôtistes. Ouais. Comment... Enfin, j'ai envie de dire, comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'on vit avec des pentecôtistes? En tout cas, on en sort vivant. Parce que vous voyez, je suis là pour parler aujourd'hui, donc c'est déjà pas mal. C'est presque ce qui m'étonne. Vous voyez que vous avez mauvais esprit. Souvent, c'est par relation déjà au départ. Bon, puis moi, j'ai l'avantage de m'être présenté. Enfin, c'est ce que j'ai fait, parce que moi, j'ai commencé par la littérature. Parce que comme je vous l'ai dit, mes premiers terrains, c'était pour la littérature, pour rencontrer des écrivains sur lesquels je faisais des mémoires. Et sur lesquels j'écrivais, et j'ai très vite, enfin j'ai relativement vite compris que, en fait, ces écrivains, ils étaient dans un groupe donné, à un moment donné, et donc je ne pouvais pas me cantonner à la littérature, qu'il fallait sortir et voir ces sociétés de manière plus globale. D'autant que les bienfaits du pouvoir soviétique, à savoir l'éducation, ont eu, bon, les effets que j'ai dit à travers un témoignage comme ça de simple mortel, mais que ça a eu aussi un effet délétère, en ce sens que ça a couper finalement ces sociétés, que ça crée une intelligentsia, lorsqu'il peut paraître bien, sauf que cette intelligentsia, elle est maintenant séparée de son peuple, elle n'a plus l'oreille du peuple, elle n'a plus l'oreille du pouvoir comme à l'époque soviétique non plus de toute façon. Donc finalement, on a un peuple, enfin on a des communautés maintenant qui ne sont plus des communautés, qui sont un peu explosées, avec une grande méfiance vis-à-vis de l'intelligentsia. Et d'ailleurs souvent en Ennet, on dit de quelqu'un, oh, ben, lui il a une cravate sous sa malitsa. La malitsa, c'est le vêtement de l'éleveur de rennes masculin. Mmh. Donc, bon, où il y a des champs chez les rentiers qui sont créés, où on moque là aussi celui qui boit des verres transparents comme la vodka chez le Khan. Alors, le Khan, c'est le gouverneur en fait. Bon, donc on voit bien qu'il y a toute une. Et on se moque aussi du fait qu'ils ne parlent plus les langues, enfin leur langue ou très mal, et qu'ils ne viennent là finalement qu'en temps lorsqu'il y a besoin du vote des gens de la toundra ou de la taïga. Mmh. Donc souvent, en tout cas, d'un point de vue, pour revenir à la question, c'est parce que, donc, au départ, je suis vu comme quelqu'un qui travaille plutôt sur la littérature et les rapports entre les mondes russes, ce qui est vrai, les rapports entre les mondes russes et autochtones, et les interactions entre mondes russes et autochtones. Donc je ne viens pas avec une casquette non plus de monsieur religion. Ce qui je pensais, parce que si évidemment on arrive en disant voilà, alors toi tu es quoi et pourquoi tu crois, bon évidemment je suis pas sûr que ça, enfin il y a quand même une sorte de méfiance. En plus, bon, on me connaît évidemment depuis quand même assez longtemps maintenant, et du coup c'est par des amis, quand j'ai commencé à leur dire, mais finalement je m'aperçois que la plupart des gens avec qui je travaille, auprès desquels je collecte des chants ou des récits de vie, sont des gens qui sont passés à l'évangélisme et j'aimerais finalement en rencontrer. Et du coup, un certain nombre d'amis m'ont dit, dans les différents endroits où je vais, bah oui, on peut te présenter telle ou telle personne, on va leur demander s'ils sont d'accord pour s'entretenir avec toi, et voilà. Et c'est comme ça qu'en fait les choses ont commencé. Mais on voit bien que c'est évidemment un sujet sensible, mais en même temps j'ai obtenu de beaux témoignages, me semble-t-il, qui sont en partie d'ailleurs dans un article que j'avais traduit, que j'avais écrit, pardon, en hommage à Victor Charin, puisqu'elle vous tient à cœur, ma directrice de thèse. Et donc quand j'ai, avec Catherine Gérion, dirigé un numéro de Slove qui lui était consacré, et moi j'avais écrit un article sur le paysage religieux des Ranti septentrionaux, et justement là j'ai inclus deux témoignages que je trouvais particulièrement beau de Ranti sur leur rapport à la foi. Alors l'une fait une espèce de chamanisme urbain, l'autre son grand-père était chaman à la seconde, et elle se définit, elle a du mal à se définir, en même temps elle se sent chamaniste, en même temps elle se sent un peu orthodoxe aussi. Mais là, c'est à vérifier lors d'un prochain terrain. Certains me disent, mais en fait, moi, je l'ai déjà vu dans des églises évangéliques. Alors, à vérifier. Mais on voit bien qu'il y a une très grande richesse. C'est que, là aussi, la Sibérie, vous parliez de paradis. Enfin, nous parlions de paradis tout à l'heure. Et qu'on voit que, justement, pour tout ce qui est religion non officielle, disons, c'est un espace privilégié. De toute façon, je vous rappelle que la Moskovskaya Aliette, puis c'est la chronique de Moscou de 2613, disait bien que, de toute façon, mourir hors de la Sainte Russie, c'était ne pas aller au paradis. Donc, évidemment, personne n'avait envie d'aller en Sibérie à l'époque, puisque ça voulait dire, du coup, ne pas aller au paradis. Alors que, bon, maintenant, évidemment, les choses sont un peu différentes, et on essaie de recréer son monde partout. Et d'ailleurs, la christianisation n'a jamais été une fin en soi pour la Sibérie. Et simplement, les premières églises sont apparues au XVIIe siècle, notamment parce que justement les colons arrivaient, affluaient, et qu'il fallait bien, enfin ils recréaient leur monde, comme les Anglais en Inde ont pu recréer, je sais pas, leur soirée thé et autres. Ben là, on recrée aussi un monde russe, et du coup l'orthodoxie a fini par s'étendre comme ça, mais qu'aujourd'hui encore, un certain nombre de mes amis me disent, mais je comprends pourquoi est-ce que les Russes ont besoin de s'enfermer pour prier entre quatre murs, pourquoi se signent-ils comme ça 50 fois, se prosternant jusqu'à terre. Le rapport à Dieu, enfin, il est au quotidien, il est, voilà, c'est pas circonscrit à un endroit et autre. Bon. Donc on voit bien que là, il y a pas mal de différences qui restent encore, malgré tout, de différences culturelles. N'est pas le religieux. Très bien. Tu veux continuer ou... Non, on a joué à BS. Non, c'est bon. Je pense que c'est bon, on a posé toutes les questions, en fait. Bon. Si tu veux... Merci beaucoup d'avoir accepté d'être interviewé aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous avoir, en tout cas. Bonjour, merci beaucoup d'avoir donné la parole à ces peuples et à la Sibérie, enfin la Sibérie à ces peuples. Et d'avoir été notre cobaye pour la première émission. Je préfère ne pas commenter. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous avoir accompagnés durant cette première émission test. Et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous êtes arrivés jusque-là. Oui, parce que rien ne vous le dit, Clément. J'espère bien. Ceux qui sont restés jusque-là, vous obtenez le droit d'écouter la suite et donc de m'entendre vous dire que vous pouvez donc commenter cette émission si vous voulez par mail à russinalco@gmail.com, comme je le disais au début de l'émission. Si vous avez des questions à propos de ce qui s'est dit durant cette interview, M. Sanson pourrait y répondre. Si certains ne sont pas d'accord, d'ailleurs. Parce que, encore, oui, pardon, j'ai peut-être obligé, on termine là-dessus, mais enfin, je me tairai là-dessus, je vous laisserai voir. Mais je voudrais aussi qu'évidemment, ça, c'est ma propre expérience en tant que, enfin, ce que je suis, c'est-à-dire bon, un Européen du 21e siècle, enfin, fin 20e, début 21e siècle, alors breton en plus, comme vous l'avez. Je dis que je le dirai plus, ça y est, je l'ai dit une deuxième fois, juste dans l'émission. Bon, enfin, là, après, promis, vous me coupez, ou vous le coupez là. Donc évidemment, je suis, enfin, évidemment, tout ce que j'ai dit, je ne prétends pas que ce soit la vérité universelle. Je dis que moi, c'est mon expérience de terrain. Et que voilà. Et c'est justement pour ça qu'on a voulu. Oui, c'est le principe de l'émission, rassurez-moi, voilà. C'est ça, d'accord. C'est on a ça. Le droit d'être subjectif. Bon, oui, enfin, tout à fait. Bon, très bien. De toute façon, on ne peut être que subjectif. Que subjectif. Ouais, en théorie, oui, mais on s'aperçoit que certains sont persuadés que. Voilà. Ah, oui. Soyons réalistes. Soyons réalistes, enfin. En tout cas, nous vous disons donc à tous à bientôt pour la prochaine émission, pardon, qui devrait être d'ici un mois. Et sait-on déjà qui l'invité? Alors, c'est la surprise, alors, à chaque fois sera la surprise. Normalement, si tout se passe bien, notre invité sera Johan Goudin, qui est spécialiste des sinogrammes, qui est sinologue, aussi pur produit Inalco. 200%. Dit lui-même inalcoolique. Ce qui, ah oui, moi j'en suis pas encore là, mais bon. Très bien, mais voilà. Il faudra qu'on décide d'un nom pour ceux qui sont des purs produits inalco. Inalcoolique, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, hein, parce que j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal. Ça donne bien le côté, finalement... addictif. Alcoolique anonyme. Voilà. Oh. Disons, oui, c'est ça, addictif, oui, c'est ça, addictif. Addictif, voilà, regarde ça, parce que quand on rentre en inalco, on n'en sort plus. Hein. C'est ça. Une fois qu'on a touché à cette drogue, c'est fini. Même quand on essaye. Merci beaucoup à tous. Merci à la prochaine. Au revoir. Au revoir.